Je propose qu'il soit fait une respectueuse adresse à Sa Majesté pour la supplier d'ordonner que tous les articles relatifs à la dissolution du mariage et au divorce soient retranchés du Code civil. La séance est ouverte. L'abolition du divorce en 1816. L'appellation de chambre introuvable aurait été inventée par Louis XVIII quand, après les 100 jours, revenant assez songeur de son exil de Gand, il vit déferler sur le palais Bourbon une vague de députés ultra qui ne rêvaient que de réparation religieuse et de revanche sociale. Il est vrai que le mode de scrutin, à l'époque de la charte, faisait la partie belle aux grands propriétaires fonciers et donc à l'antique noblesse. Les députés sont désignés par 100 000 Français seulement et ils sont eux-mêmes très peu nombreux et passablement rassis. Leur prétention est de revenir, autant qu'il est possible, à l'ancien régime. Aussi, l'abolition du divorce, lequel avait été recommandé par les philosophes et autorisé par la Révolution, leur paraît-elle la priorité des priorités ? Bonaparte, pourtant, dans le Code civil, n'en avait maintenu que la possibilité, le rendant quasi inaccessible. C'est à peine s'il s'en prononçait encore 50 par an. Mais c'est trop encore pour les ultras. Il faut, selon eux, tirer toutes les conséquences du rétablissement du catholicisme comme religion d'État. Et le souvenir de la courte période où, entre 1792 et 1801, un mariage sur trois avait pu être dissous, leur paraît insupportable. Derrière leur chef de file, Bonald, ils engagent le combat. La parole est à Monsieur Louis de Bonald, député de l'Aveyron. Messieurs, le christianisme, qui n'est que l'application à la société de toutes les vérités morales, commença par constituer la famille. Il s'introduisit dans les mœurs, de voluptueuses et cruelles qu'elles étaient, il les rendit douces et sévères. Il changea les nations comme il avait changé les hommes, et les mœurs domestiques devinrent des lois publiques. Le divorce fut, de tous les désordres du paganisme, celui qui résista le plus longtemps à l'influence de la religion chrétienne. Il fallut, pour déraciner l'habitude du divorce, toute l'autorité des chefs de l'Église. Mais la Révolution française, qui s'est emparée de tous les moyens de séduction et de désordre, ne négligea pas ce moyen-là. Le divorce fut à nouveau décrété. Et il est resté dans notre législation jusqu'à nos jours. Monument de honte et de licence qui attestera au siècle futur qu'elles ont été, à cette époque, la faiblesse des mœurs et le dérèglement des esprits. Bravo, bravo. Il est enfin venu, messieurs, le temps où, dégagés de toute crainte servile, nous pouvons, nous devons proclamer le retour à l'ordre, à la morale, à la religion et à toutes les vérités que la faiblesse, sous les couleurs de la modération, a trop longtemps banni du sein de notre assemblée. Oui, messieurs. Vous avez déjà pourvu, par des lois sévères, à la tranquillité de l'État. Il faut aujourd'hui assurer, par des lois fortes, la stabilité de la famille. D'abord, le but du mariage n'est pas les plaisirs de l'homme, puisqu'il les goûte hors du mariage. Le but du mariage n'est pas uniquement la production des enfants, puisque cet effet peut avoir lieu sans le mariage. Le but du mariage, c'est à la fois la production de l'enfant et sa conservation, c'est-à-dire sa conservation morale et physique, le soin de son éducation. Or, en général, la conservation n'est pas assurée hors du mariage. Le but du mariage est donc la perpétuation du genre humain, perpétuité qui se compose non des enfants produits, mais des enfants conservés. Seule la société des époux maintient et accroît la population chez une nation formée. À ces raisons prises dans la nature physique de l'homme s'ajoutent des raisons morales. Mais lorsque la société en est venue à ce point que les folles amours sont devenues la préoccupation de tous les âges, lorsque l'autorité maritale est une dérision et l'autorité paternelle une tyrannie, lorsque les livres obscènes, partout étalés, vendus à si bas prix qu'on pourrait croire qu'on les donne, apprennent à l'enfant des choses que la nature ne révèle pas même à l'homme fait, lorsque la nudité de l'homme, caractère distinctif de l'extrême barbarie, s'offre partout à nos regards dans les lieux publics et que la femme elle-même, vêtue sans être voilée, a trouvé l'art d'insulter la pudeur sans choquer les bienséances, je dis que tolérer le divorce, c'est légaliser l'adultère, c'est conspirer avec les passions de l'homme contre sa raison et avec l'homme contre la société. Il y a enfin des raisons politiques à l'indissolubilité du lien conjugal. Partout où le lien domestique a été dissous, le lien politique a été relâché. La démocratie, qui permet au peuple, partie faible de la société politique, de s'élever contre le pouvoir, va de pair avec la faculté du divorce, véritable démocratie domestique. Osons le dire, l'État n'a de pouvoir sur la famille que pour en affermir le lien et non pas le dissoudre. Et si l'État détruit la famille à son tour se venge et mine sourdement l'État. Hâtons-nous donc, messieurs, de faire disparaître de notre législation cette loi faible et fausse du divorce qui la déshonore. Je propose qu'il soit fait une respectueuse adresse à Sa Majesté pour la supplier d'ordonner que tous les articles relatifs à la dissolution du mariage et au divorce soient retranchés du Code civil. Mes chers collègues, la parole est à Monsieur Charles-François de Trinquelague, député du Gard. Messieurs, ne nous dissimulons pas les imperfections de notre nature. Les affections de l'âme ne se conservent pas toujours égales. L'habitude du bonheur en affaiblit les charmes. La différence des goûts, des caractères, des âges donne lieu souvent dans l'intérieur des familles à des démêlés plus ou moins graves. L'inconstance, la légèreté viennent y joindre leur danger. Si les époux peuvent porter leur regard jusqu'au divorce, ces orages momentanés risquent d'avoir les suites les plus funestes. Le sentiment qu'il existe un moyen de changer leur position rend le mari moins indulgent et la femme moins patiente, tandis qu'on se conforme facilement à une situation qui ne peut pas changer. C'est cela même. L'indissolubilité du lien conjugal doit être le remède à l'inconstance naturelle de l'homme. Mais oui, avec la perspective du divorce, deux époux ne sauraient unir étroitement leur sort et leurs intérêts. Le bonheur ne peut exister dans la famille si les époux n'ont plus le motif de se supporter avec indulgence. Monsieur Trinquelague. Oui, nous sommes d'accord. D'autre part, l'indissolubilité de l'engagement donne au mari une autorité plus grande. On respecte plus le chef quand il ne peut cesser de l'être. Cette autorité tourne au profit de la famille. Chacun y est plus contenu. Les devoirs de tous y sont mieux remplis. Que devient cette famille si le nœud qu'il avait formé se rompt ? La femme laisse dans la maison qu'elle quitte sa dignité. Elle n'est plus épouse, à peine est-elle mère. Au lieu de la considération dont elle était environnée, elle obtient tout au plus la pitié, heureuse si elle échappe au mépris. L'épouse perd tout lors d'un divorce. La santé, pour avoir donné des enfants à ce mari qui l'a abandonnée. la gaieté qui fuit devant les peines domestiques, les charmes de la jeunesse, et cet attrait de la première innocence plus séduisant encore que les charmes. Et ce malheur du divorce ne se borne pas à l'épouse seule. Le mari la partage. On lui reproche de n'avoir pas su maintenir une société dont il était le chef. Mais c'est surtout la condition des enfants qu'il faut déplorer. Innocents des fautes de leurs parents, ils en deviennent les plus malheureuses victimes. Abandonnés par le père ou par la mère, il ne leur reste que la sollicitude de l'un des deux. Et si de nouveaux nœuds succèdent aux nœuds rompus, si d'autres enfants naissent de ces engagements nouveaux, quel est le sort des tristes fruits du premier mariage ? Livrés à eux-mêmes, ils croissent sans éducation et sans culture. Rien ne les défend de l'attaque des passions. Ils ne sont point soutenus dans les dangers qui les entourent par les exemples des vertus de leurs parents. L'idée des auteurs de leur jour ne se lie dans leur esprit qu'à des idées d'irréligion et d'immoralité. Et c'est ainsi que se prépare, pour le vice et le désordre, une génération nouvelle, pire que celle qui la précéda. Il s'établira dans les mœurs une dégradation héréditaire dont on ne peut, sans effroi, calculer les progrès et le terme. Pour nous, messieurs, qui avons conservé la foi de nos pères et pour qui les merveilles de la création sont toujours de saintes vérités, la loi du mariage dérive de Dieu même. Voyez l'auteur de tous les êtres s'occupant, après avoir créé l'homme roi de la nature, du soin de lui donner une compagne. « C'est la chair de ma chair, » s'écrie Adam. « Un père, une mère, l'homme les quittera, mais il restera adhérent à son épouse. Ils seront deux dans une seule chair. La compagne restera adhérente à son époux sous peine de se dissoudre si elle s'en détache. Voilà la première femme sortie des mains du Créateur. Voilà le premier mariage. Quel tableau, messieurs! Et comment admettre la dissolubilité d'une union formée par Dieu même? Dans le sacrement du mariage, il semble que chaque époux reçoit, à l'exemple du premier homme, sa compagne des mains de la divinité même. L'union formée par elle ne doit pas pouvoir être détruite par les hommes. Dira-t-on que les contrats peuvent se dissoudre par le concours des mêmes volontés qui les ont formés ? Sans doute. Mais le mariage est un contrat d'une espèce particulière auquel nul autre ne peut être comparé. La volonté des époux, leurs torts respectifs, leurs intérêts particuliers ne peuvent porter atteinte à l'indissolubilité du mariage. Fondée sur des intérêts plus grands, elle est indépendante des intérêts particuliers. Il faut écarter des époux toute possibilité de nuire à l'ordre public en rompant les liens qui les unissent. Ce sont les mœurs des familles qui font la force des empires. Portez donc tous vos soins sur la pureté des affections domestiques. Alors, l'État sera riche d'hommes probes, vertueux, dignes de le servir. Il faut, pour le bonheur commun, enlever à l'homme une partie de sa liberté. Et il n'est lui-même heureux que lorsqu'il est soumis. La loi doit donc lui imposer une garantie contre lui-même par l'irrévocabilité de l'acte le plus important de sa vie. Merci, monsieur Blondel-Daubers. La parole est à monsieur Bertrand Fournier de Saint-Lary, député des Hautes-Pyrénées. Messieurs, l'union de l'homme et de la femme est sans contredit la base et le premier élément du bonheur. C'est de ce vœu de la nature pour la propagation de l'espèce que la société a fait un contrat civil et la religion catholique un sacrement. Les nœuds formés sous la garantie de la loi ne peuvent-ils dans aucun cas être rompus par elle? Vous dites que la religion catholique le proscrit. Je ferai remarquer que cet argument pouvait être bon quand la religion catholique était la religion exclusive. quand la loi ne reconnaissait que les mariages bénis par les prêtres de cette religion. Mais le mariage est considéré par le Code comme un contrat civil, et la charte reconnaît tous les cultes. Et tous, sauf la religion catholique, permettent le divorce. Sans entrer dans ces hautes considérations, je voudrais envisager le divorce comme une institution purement civile et l'examiner seulement sous le rapport de l'honneur, de la justice et de la morale. Les adversaires du divorce l'accusent non seulement des désordres de l'époque révolutionnaire, mais encore de tous ceux qu'ils aperçoivent aujourd'hui dans la société. C'est lui qu'on rend responsable du trouble des familles, du relâchement des liens conjugaux, de la corruption de la morale domestique, comme si ces désordres n'existaient pas avant l'introduction du divorce. J'aimerais d'ailleurs faire remarquer, en réponse à ce que M. de Bonal disait à propos des sociétés primitives, que la découverte de l'Amérique nous a révélé le secret des premières familles qui peuplèrent le globe. La nature humaine, surprise en quelque sorte à son berceau, s'est montrée sans voile et sans prestige. Et l'on a pu reconnaître que l'enfance des nations n'est pas leur âge d'innocence, que la législation primitive n'est autre chose que l'empire brutalement exercé de la force sans moralité sur la faiblesse sans défense, que l'homme sauvage est un despote et non un chef dans sa famille, que sa compagne est sa première esclave, que ses enfants sont ses valets tant qu'ils ne sont pas assez forts pour devenir ses maîtres. Le divorce peut coexister avec tous les désordres d'une société corrompue sans qu'on puisse les lui attribuer. Le véritable auteur des désordres de la société, les faits et la cause toujours renaissante de la corruption, c'est l'adultère. Tant que ce vice sera toléré par les mœurs, impuni par les lois, applaudi au théâtre, quel sera le sort d'un homme d'honneur si le hasard ou le malheur l'a uni à une femme infidèle ? Existe-t-il une puissance qui soit en droit d'exiger un si grand sacrifice ? L'honneur n'a-t-il pas aussi ses dogmes ? On ne peut contester que la cause la plus importante de l'acte du mariage ne soit la promesse réciproque de fidélité que se font les deux époux. Cette promesse forme l'essence de l'engagement. Sans elle, sans la conviction intime qu'elle ne sera jamais violée, le mariage n'eût pas existé. Ceux qui avoueraient le contraire sont indignes d'être époux et pères. Le divorce est donc de droit en cas d'adultère. C'est la seule cause pour laquelle je l'admets. Parce que c'est la seule qui attaque essentiellement la base du contrat. Tous les autres motifs doivent disparaître du code civil. Les vices de caractère, les malheurs, les crimes même sont des accidents inhérents à la nature humaine. Ce sont des hasards, des rencontres malheureuses sur les traverses de la vie. Mais la séparation de corps est suffisante dans les cas dont on parle. Pourquoi, par le divorce, élever un mur d'airain entre les époux ? Pourquoi, en les arrachant l'un à l'autre, ne pas leur laisser l'espérance de se réunir ? La solitude, les souvenirs, la réflexion peuvent adoucir le caractère d'un mari violent. Le cœur de la femme peut se rouvrir à l'indulgence et à la bonté. Ses sentiments lui sont si naturels. Une rencontre fortuite, la vue de leurs enfants, un témoignage de regret peuvent encore la jeter dans les bras de son époux. La femme coupable peut aussi trouver grâce aux yeux de son mari. Dans la fragilité de notre nature, il ne doit pas y avoir de faute irrémissible. C'est sans doute un des tableaux les plus affligeants de la vie humaine que celui de deux époux mal assortis. Mais, messieurs, le mariage est-il comptable de leur chagrin ? Changerez-vous la plus sainte des institutions dans le seul but d'offrir un remède passager à quelques individus presque toujours coupables ? Quoi ? Les 39 quarantièmes de la France refusent le divorce et vous l'offririez à tous parce qu'il convainc au plus petit nombre? Pourquoi les plaindre, ces êtres pervers? Pourquoi leur tendre une main secourable? Que ceux qui méconnaissent l'importance et la sainteté de ce grand acte de la vie supportent sans murmure toutes les angoisses de leur conduite, légère ou criminelle. Ils sont les auteurs de leurs maux. La loi doit rester inflexible. Elle cesserait d'être juste si elle était indulgente. Fort bien, monsieur Blondel d'Aubers. La parole est à monsieur Auguste Guillaume Josse Beauvoir, député du Loir-et-Cher. Les bonnes mœurs qui rendraient les lois inutiles et les peuples, si les peuples étaient assez heureux pour les conserver dans leur pureté primitive, reposent sur la sainteté du mariage et la puissance paternelle de la piété filiale. Les soins assidus de la mère assurent l'existence première des enfants. Ceux du père veillent à ce que cette existence soit utile un jour à la société. Voyez une mère au chevet du lit de son fils malade. Les jours, les nuits, les mois entiers ne peuvent fatiguer sa tendresse. Elle seule comprend les plaintes, les souffrances de son enfant. Elle voit, entend, devine tout à la fois. Elle lui dispense tour à tour la chaleur et la lumière, la fraîcheur et l'ombre. Elle lui sourit quand il parle, l'encourage quand il est abattu, le veille quand il dort. Et quel que soit son rang, sa fortune, le nombre de ses domestiques, elle prévoit, agit, ordonne et suffit à tout. Que cet enfant soit séparé de sa mère par suite du divorce, trouvera-t-il les mêmes soins? Des enfants délaissés et ne voyant que rarement ou leur père ou leur mère, connaîtront-ils dans toute sa force le respect ou l'amour filial? Leurs caresses seront sans effusion, leurs sourires sans charme? Ou, si leur discernement est assez formé pour les rendre juges, ils pleureront sur l'un, désolés de ne pouvoir chérir l'autre? Que deviendront ces malheureux enfants? Quelle sera leur éducation? La pitié qu'ils inspiraient dans leur enfance se change en noir pressentiment. Sans le respect filial, que devient l'autorité paternelle? Toutes les religions disent « Père et mère, tu honoreras ». Avec le divorce, je ne vois pas comment les enfants pourraient observer ce commandement. Si les époux contractent un autre mariage, la condition des enfants est encore plus fâcheuse. Il existera des frères qui se détesteront sans se connaître et qui, de génération en génération, se constitueront réciproquement les ennemis de l'une des branches de la famille. Soumis à une marâtre ou à un beau-père, sacrifiés aux préférences accordées à leurs nouveaux frères, leur enfance s'écoulera dans les peines. Fasse le ciel que la misère de leur jeunesse ne soit pas suivie de l'ignorance des préceptes de la religion, de l'oubli des principes de la morale et de la perte de leur fortune. C'est à la force de ces mœurs que l'Europe doit sa supériorité sur les autres parties du monde. Et la force de ces mœurs est due uniquement à la religion chrétienne, qui, en honorant le mariage, est la source féconde et constante de la population. Nous en trouvons la preuve dans la comparaison à faire entre, d'une part, les pays soumis à l'islamisme, qui a pour dogme la fatalité et qui permet la polygamie, et d'autre part, ceux où règne la religion qui consacre l'indissolubilité du mariage et la confiance dans la providence. Dans les pays soumis à l'islamisme, la population diminue sur un sol fécond, immense, mais inculte. Dans les pays chrétiens, les hommes se pressent sur la terre qui, ne pouvant leur suffire, appellent la mère à son secours pour les porter et les nourrir. En Asie, l'homme plongé dans la mollesse, n'ayant pour femme que des esclaves consacrés à ses plaisirs, vit sans travail et sans économie. Le sort de ses enfants ne peut l'occuper. Que lui importe? Qu'il fasse ou ne fasse pas, la fatalité a décidé de leur sort. Et que peut une mère pour le bonheur de ses enfants dans une maison dont aucun des intérêts ne la regarde? leur parlera-t-elle de leur patrie? Lorsque, séquestrée de la société, elle ignore les scènes du monde et qu'elles en furent les acteurs? En Europe, au contraire, l'énergie du père s'accroît par le nombre des enfants. Il leur donne l'exemple du travail et de l'activité, se regardant avec raison comme spécialement chargé de pourvoir à leurs besoins, il embrasse pour eux le présent et l'avenir. La femme, chargée de la conduite de la maison et de l'économie domestique, a pour ses enfants et pour son mari cette tendre sollicitude qui veille à leur bien-être, confidente ou conseille des projets qui apportent au bonheur de la communauté. Elle console dans les peines, encourage dans les disgrâces, soutien dans l'adversité et ne cesse jamais de voir dans l'existence honorable de son époux le gage de la fortune et de la considération de ses enfants. Comment, avec le divorce, concevoir cette communauté d'honneur, de devoirs, de travaux, d'intérêts? Les époux séparés se renvoient l'un à l'autre les soins et les frais de l'éducation de leurs enfants. Ils ne voient plus, n'entendent plus ses enfants. Ils perdent de vue leur éducation. Le fils n'entendra jamais faire l'éloge de sa mère, la fille, celui de son père. Hâtons-nous donc de rendre à la religion un empire qui, pour le bonheur de l'homme, le force à réprimer ses passions. Hâtons-nous de retremper nos mœurs par la considération dont nous environnerons le mariage. L'intérêt des époux, l'intérêt des familles et l'intérêt de l'État repoussent le divorce. Messieurs, je vous remercie. Je me propose de mettre aux voix le projet de résolution au roi recommandant l'abolition du divorce. Je vais procéder au scrutin. Le nombre de votants est de 125. Pour. Pour 113. Contre. 9. Nul. 3. Le projet de résolution est adopté. Le roi sera supplié de proposer une loi relativement au divorce. La Chambre, selon la charte, on l'aura noté, n'a pas l'initiative des lois. Sentant que l'opinion resterait assez indifférente, Louis XVIII donne suite à la demande de la Chambre introuvable. Peu après, cependant, en septembre 1816, il la dissoudra pour tenter de gouverner plus au centre. Il faudra, en revanche, attendre 1884 pour que le divorce soit rétabli par la loi Naquet, qui restera quasi intouchée pendant près d'un siècle. La séance était ouverte au Vieux Colombier avec toute l'équipe du théâtre et l'équipe de Radio France, Stéphane Foulon, Julien Bourdet, Stéphane encore, Poitevin, Stéphane toujours, Ronxin, l'établissement des textes, Isor, Pisani, Ferry. Les comédiens du français Christian Blanc, Michel Favori, Bruno Raffaelli, Didier Sandre et, surgissant de la salle telle la nuée, Alexis Chevalier et Grégoire Roqueplot.